Le chercheur Park Song-il à l'Institut des États-Unis près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 25 un commentaire sous le titre « Situation lamentable des droits de l'homme aux États-Unis ». En voici le résumé. Aux États-Unis, ne cesse pas des crimes d'animosité à l'aggravation de confrontations entre des races et religions. D'après des établissements de la justice et d'investigation américains, notamment le Bureau fédéral d'investigation, le nombre des formations de haine violente des races et religions comme Ku Klux Klan et le mouvement de l'État islamique a plus que doublé à l'accroissement rapide des crimes sanglants entre elles. Surtout, le nombre des crimes contre les Noirs, des musulmans et des clans minoritaires dépasse 67%. La semaine dernière, par exemple, à San Antonio, de l'État de Texas, un Noir a tué au fusil un policier avant de disparaître, alors que dans 3 États, il y a eu une embuscade contre 4 policiers, dont un est mort et 3 blessés. Les presses les qualifient de représailles à l'égard des policiers blancs qui ont chassé les Noirs tous innocents comme criminels partout aux États-Unis, surtout Louisiane, Minnesota et Texas. Le cycle vicieux des crimes d'animosité, meurtres et assassinats de représailles dus à l'extrême discrimination raciale et à l'antagonisme religieux est un cancer incurable enraciné dans le régime social américain de nature réactionnaire. Du fait des différences des couleurs de peau et de la croyance, les gens vivent en inquiétude et en effroi, loin de la protection des droits de l'homme. Voilà la réalité de la société américaine. Vaut mieux que les États-Unis, le pire violateur des droits de l'homme, s'occupe des droits de l'homme lamentables des Américains, au lieu de mettre en cause les droits de l'homme dans des pays étrangers.